Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Jack l'éventreur, la contre-enquête, épisode 2. Septembre 1888, l'Angleterre est sous le choc. Le 31 août, une prostituée a été sauvagement assassinée dans une ruelle de Whitechapel, un quartier pauvre de l'East End à Londres. Et voilà que le 6 septembre, une autre de ces infortunées, comme les désigne la prude société victorienne, est à son tour assassinée, dans le même quartier, d'une manière similaire mais encore plus terrifiante. Qui peut être le coupable? Quelle sera sa prochaine victime? Jusqu'où ira-t-il dans l'horreur? Les rumeurs et les spéculations les plus folles se répandent. Ce tueur, qui manie le couteau avec autant de précision, ne peut être qu'un boucher ou un équarisseur. Et si, au contraire, il s'agissait d'un homme éduqué, d'un médecin des beaux quartiers, sorte de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, descendu pour prélever les organes dans les bas-fonds de Londres? Un nom va bientôt surgir, mystérieux et menaçant, écrit en lettres de sang et appelé à une étrange postérité, Jack l'éventreur. Alors que la police piétine, notre héros, le journaliste Jim Finch, mène l'enquête. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Michel Moati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, sociologue et romancier. Votre premier roman, vous l'avez consacré à Jack l'éventreur, Retour à Whitechapel. Alors, est-ce la sociologie qui vous a amené à vous intéresser à ce personnage, à ce tueur en série anglais, ou... Et est-ce que c'est lui qui, à son tour, vous a amené à devenir romancier? Oui, alors curieusement, c'est en effet la sociologie qui m'a amené sur Jack l'éventreur et son époque, sur l'environnement dans lequel il a produit ses crimes. En particulier, je pense à un sociologue qui est Charles Booth, qui est le spécialiste, on va dire. Un anglais de l'époque, oui. Alors humaniste, socialisant, déterminé à prouver que la misère amenait forcément au crime. C'est un auteur peu connu en France, hein, c'est l'un des pionniers de la sociologie européenne. C'est un auteur que moi j'utilise à l'université et qui m'a passionné parce qu'il est à la fois sociologue, il est aussi démographe, il est spécialiste de la ville, hein, de la ville moderne. Et puis c'est un des premiers à utiliser la sociologie de terrain, aller vraiment taper aux portes, enquêter auprès des gens. Vous auriez pu, Michel Moati, écrire un livre de sociologue sur Jack l'éventreur, mais vous avez choisi d'écrire un roman. Enfin, qui est à la fois une enquête policière et en même temps un roman. En effet, j'ai fait un travail d'enquête, journalistique, sociologique, je ne sais pas, dans lequel j'ai introduit un personnage imaginaire, une héroïne qui va nous raconter l'histoire, qui va nous mettre dans le contexte. Donc on est en effet dans la dimension romanesque, on est dans un texte de fiction dont je dirais le fond d'écran est parfaitement réel. Alors justement, quel est le contexte de 1888? Nous sommes en Angleterre, c'est l'époque victorienne. En quoi ce contexte est-il important pour notre histoire? Alors, je pense que on peut pas comprendre vraiment l'histoire de Jack l'éventreur et de son surgissement dans l'actualité de 1888 si on connaît pas à la fois la sociologie, la topographie de l'Angleterre, en particulier de Londres de l'époque. On est vraiment dans une société duale, hein. D'un côté, on a l'East End, les quartiers de l'Est de Londres extrêmement populaires, voire miséreux, misérables et totalement délaissés par les autorités. Et de l'autre côté, le West End aristocratique, etc., dans lequel vivent les aristocrates et la bonne société victorienne. Ce hiatus, ce gap, il existe toujours, mais alors dans des conditions évidemment qui se sont réduites. Mais c'est là-dedans, c'est dans ce gouffre, hein, ce hiatus très fort entre une société, on va dire, prospère, l'Empire britannique très très puissant, et puis son besoin de main-d'œuvre, hein, cette immigration industrielle qui va s'installer dans Whitechapel, dans les quartiers autour, hein, Bow, Spitalfield, etc., qui va produire ces foyers que Booth d'ailleurs a décrits comme des foyers criminels en puissance, hein, qui sont les lieux dans lesquels Jack l'éventreur va surgir l'été 88. Alors, l'histoire de Jack l'éventreur, nous avons fait le choix de la raconter en deux épisodes. La semaine dernière, le premier épisode se terminait après la mort de la deuxième victime. Pouvez-vous, Michel Moati, brièvement nous rappeler les circonstances des deux premiers meurtres, donc celui de Mary Ann Nichols et celui d'Annie Chapman? Alors, Marianne Nichols, Polly Nichols, a été assassinée à la toute fin du mois d'août 1888 à Whitechapel même, hein, c'est à quelques dizaines de mètres de la station Whitechapel. Ça se passe au cœur de la nuit, entre 2 et 3 heures du matin. Pauline Nicole, c'est une prostituée occasionnelle, hein, une femme qui a plus de 40 ans, qui est loin d'être séduisante, qui est alcoolique au dernier degré, et qui cherche, comme la plupart des femmes qui ont ce profil, quelques pence pour payer sa nuit dans un bouge où elle a ses habitudes. Et elle va croiser la route de celui qu'on va appeler Jack l'Éventreur. On va retrouver son corps dans Box Row, partiellement éventré. On n'est pas sûr qu'elle était encore vivante au moment où on l'a découverte. Et Annie Chapman? Annie Chapman, c'est un peu le même profil, hein, une femme qui a dépassé la quarantaine, qui est très malade, elle est mourante, hein, quasiment. Les chirurgiens, lors de son autopsie, vont découvrir qu'elle souffrait d'un cancer extrêmement avancé, donc elle était vraiment déjà à la fin de sa vie. Elle est chassée de l'endroit où elle devait passer la nuit parce qu'elle n'avait pas l'argent pour payer sa chambre, un peu comme Pauline Nicholls. Elle va, elle aussi, chercher un client pour essayer de trouver les 6 pence qui lui permettraient de payer sa nuit. Elle va, elle aussi, amener Jack l'Éventreur dans une arrière-cour où elle a ses habitudes, où elle reçoit des clients entre guillemets, et elle sera retrouvée, elle, très très sérieusement mutilée, éventrée, son utérus a été prélevé, etc. Alors, pour mieux raconter cette histoire vraie, l'auteur de la fiction Stéphane Michaka a inventé 3 personnages: James Finch, surnommé Spotty, journaliste, et son ami Basil Huntley, un assureur maritime. Et ces 2 amis mettent en commun leurs talents pour rechercher le criminel. Et le 3e personnage fictif, Lisa McGee, une jeune prostituée et amie d'enfance de Finch. L'histoire va reprendre donc au moment où une lettre parvient à l'agence centrale de presse signée d'un certain Jack l'Éventreur. Tout de suite, Jack l'Éventreur, la contre-enquête, épisode 2, un texte de Stéphane Michaka, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Aussire. Cher patron, j'entends dire partout que la police m'a attrapé, mais ils me coinceront pas de sitôt. Eux qui se croient si malins et prétendent être sur la bonne piste. J'en ai après les putes, et je m'arrêterai pas de les éventrer jusqu'à ce qu'on me boucle. J'entendrai bientôt parler de moi et de mes petits jeux amusants. 2 prostituées éventrées, il appelle ça des petits jeux amusants? Mary Ann Nicholls et Annie Chapman, elle s'appelait. Ils vendaient leur corps pour pouvoir se payer une chambre pour la nuit. Pas de quoi ricaner, monsieur. Monsieur, comment dites-vous? Votre dévoué, Jack l'Éventreur. Londres, 29 septembre 1888. James Finch, reporter au Star, relit pour la énième fois une lettre écrite à l'encre rouge. Elle a été envoyée l'avant-veille à l'agence centrale de presse, qu'il a aussitôt transmise à la police et au grand quotidien. La lettre a de quoi inquiéter Finch, Spotty de son surnom. De mémoire de journaliste, c'est la première fois qu'un tueur se met en scène et confie son intention de récidiver. Pour ce qui est de mon prochain boulot, je découperai les oreilles de la dame. Je les expédierai aux officiers de police, histoire de bien rigoler. Mettez cette lettre de côté jusqu'à ce que je reprenne ma besogne, puis publiez-la. Mon couteau est si bien aiguisé que j'ai envie de m'y remettre à la première occasion. Lisa. Lisa. Si seulement elle pouvait s'éloigner du Whitechapel. Si la traque de l'Éventreur obsède Finch, ce n'est pas seulement parce que ces meurtres d'une sauvagerie inouïe font la une des journaux et stimulent l'essor de la presse. Finch est originaire de l'East End, le district le plus pauvre de Londres, celui où opère Jack l'Éventreur. Depuis un mois, le jeune journaliste n'a qu'une crainte, apprendre que son amie d'enfance, Lisa McGee, est tombée sous le couteau de l'Éventreur. Prostituée à Whitechapel, Lisa ne veut pas quitter son quartier, mais elle pourrait bien, tôt ou tard, croiser le chemin du tueur. Mettez cette lettre de côté jusqu'à ce que je reprenne ma besogne, puis publiez-la. Ce type est encore plus fêlé que je le pensais. C'est au cœur du West End, le quartier chic de Londres, que pénètre Finch. Le jeune reporter arpente rarement des couloirs tapissés de velours et flanqués de bustes en marbre. Mais c'est au Garrick Club que lui a fixé rendez-vous son ami Basil Huntley, de plus en plus passionné par l'affaire. Malgré leurs divergences, tous deux se sont associés dans la traque de l'assassin. En marge de l'enquête officielle, ils sont bien décidés à dénicher l'éventreur avant qu'il ne s'en prenne à Lisa. Spotty. Basil. Je ne vous espérais plus. J'ai failli retourner au journal. Je viens de découvrir ceci. Une lettre signée Jack l'éventreur. On peut le voir. Jack l'éventreur, ça sonne bien. Et qui vous dit qu'il vient du tueur ? Les grands quotidiens en reçoivent chaque jour des dizaines du même genre. Mais pas l'agence centrale de presse. Vous saisissez, Basil ? Il sait que l'agence enverra sa lettre à toutes les rédactions. C'est exactement ce qu'il cherche. Pour ce qui est de mon prochain boulot, je découperai les oreilles de la dame et je les expédierai aux officiers de police histoire de bien rigoler. Bon sang, quel type est assez monstrueux pour... Justement, c'est pour ça que je vous ai fait venir. Ici ? Au Garrick Club ? Suivez-moi. Fondé en 1831, le Garrick est un des clubs les plus sélects de Londres et exclusivement masculin. Son but affiché est la promotion des arts de la scène. Mais ses salons accueillent aussi bien des acteurs que des hommes de loi, des peintres que des savants. On y côtoie les plus beaux esprits de l'époque. Dans le fumoir, où Finch emboîte le pas à Basil, des butlers servent du sherry agrémenté de chocolat aux cerises. Qui sont ces gens ? Sur l'ottomane. Oh. Le dandy au regard perçant est Walter Sickert, un peintre spécialisé dans le genre glauque. Au milieu, c'est Richard Mansfield, l'acteur. Il joue en ce moment au Lyceum dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Courez-y, si vous ne l'avez pas vu. Et à gauche ? Melville McNaughton, un planteur de thé de retour du Bengale. Mais, chut, là, le docteur Vogelsang va parler. Vogelsang ? Gentlemen ? Un aliéniste allemand invité par le club. Vous me demandez mon opinion sur l'éventreur de Whitechapel. Vous me demandez s'il souffre de maladie mentale. Nul besoin de l'examiner pour reconnaître un psychopathe. Un type de malade tout récemment découvert par la science médicale. En dehors de son moi, il n'y a rien de sacré pour le psychopathe. Pour satisfaire ses passions, en l'espèce l'étranglement, l'éviscération et pour tout dire la profanation des corps des prostituées, aucun obstacle ne l'arrêtera. Sa prochaine victime ? Mais les colonnes de vos journaux sont remplies des descriptions de ses forfaits. Nul doute qu'il en soit lui-même un avide lecteur. Voyez-vous, gentlemen, les yeux du psychopathe ne sont pas seulement les siens, ils sont les vôtres. Il est le metteur en scène et vous êtes les spectateurs. C'est pour cette raison que j'ai accepté votre invitation. Un club pour la promotion des arts du crime ? Oh, pardon, excusez-moi. Un club pour la promotion des arts de la scène est un lieu tout indiqué pour évoquer ce criminel d'un genre nouveau. Et l'utérus ? Qu'est-ce que vous en faites ? Entschuldigung ? À votre avis, docteur Folzinger ? Vogelsang, docteur Vogelsang. Mais pourquoi l'éventreur a-t-il prélevé l'utérus de sa dernière victime ? Ah, Garzoya, Romain. Je vais vous dire, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Mais je ne crois pas au trafic d'organes. Voyez-vous, l'utérus est la matrice, l'origine de la vie. Et dans le cas des prostituées, le véhicule par excellence de la syphilis. L'infection se transmet de mère en fils. Notre tueur n'est pas un client, puisqu'il ne consomme pas. Mais il a peut-être un compte à régler avec la syphilis. S'il était pris d'un besoin violent de l'éradiquer, il n'agirait pas autrement. J'en étais sûr. Un fils de pute. Et vous l'avez fait venir d'Allemagne pour vous raconter ce genre de fable ? Vous êtes têtu comme une mule, Spotty. Si on vous écoute, l'éventreur est diplômé de latin grec à Oxford. Gentleman Jack, c'est ça ? Vous êtes complètement à côté de la plaque. Je pensais avoir besoin du flair de Basil, mais décidément, un gouffre nous sépare. Et pendant ce temps, malade syphilitique ou pas, diplômé d'Oxford ou pas, l'assassin court toujours. L'hypothèse d'un Jack l'éventreur atteint de syphilis fait couler beaucoup d'encre. car les Victoriens sont prompts à associer maladie et sexualité. Sur les 80 000 prostituées de Londres, environ 8 000 meurent chaque année de vérole, l'autre nom de la syphilis. En éventrant des prostituées, Jack veut-il se venger d'avoir contracté cette maladie ? « J'en ai après les putes », a écrit l'éventreur, sans révéler pourquoi. La vérole n'est peut-être pas pour rien dans cette haine. Ces membres du Garrick Club, quel drôle de spécimen. Mais ça se veut la fine fleur de la société. Ce Seekert au regard pervers, ce comédien qui n'a pas l'air sorti de son Dr Jekyll et Mr Hyde, et l'autre avec son faux air bonhomme. Comment s'appelle-t-il déjà ? Nathan, bien sûr. Le fils de Sir Elliot, l'ancien président de la Compagnie britannique des Indes orientales. Curieux que tout ce beau monde s'intéresse à ce point au meurtre de prostituées. L'éventreur a tué deux femmes cette nuit. Deux prostituées. Une sur Bernard Street, l'autre à Mitre Square. Ils l'ont arrêté ? Non. Il faut que j'aille là-bas. Spotty, est-ce que tu veux bien m'héberger quelques jours ? Bien sûr. Je me ferai toute petite. Tu n'es plus petite, Lisa. Mais ce n'est pas un problème. Ce 30 septembre 1888, l'Angleterre se réveille groggy. Le tueur a frappé à nouveau, faisant deux victimes à 40 minutes d'intervalle. Elizabeth Stride, 45 ans, et Catherine Eddowes, 46 ans. Un double meurtre qui porte à 4 le nombre de prostituées assassinées en un mois. Cette fois, les crimes ne sont plus circonscrits à Whitechapel. Le cadavre de Catherine Eddowes a été retrouvé à deux pas du cœur financier de Londres. Désormais, les inspecteurs de Scotland Yard vont être concurrencés par ceux de la City. L'éventreur peut se flatter d'avoir les meilleurs limiers du royaume à ses trousses. Y compris Finch et Basil, dont l'enquête parallèle, menée à l'écart de la police, se poursuit le soir au Grenadier. Dans cette taverne du quartier de Belgravia, Basil commande un saumon à la sauce crevette. De quoi oublier les saveurs aigres de l'East End, comme les oignons à la saumure ou le cervelas aux œufs durs. Spotty se contente de bœuf bouilli. Sur la table d'acajou ciré, une carte de Whitechapel marquée de 4 croix rouges, les lieux des crimes de Jack l'éventreur. Il lui a fallu moins d'une demi-heure pour marcher de Bernard Street à Mitre Square. En temps normal, ça prend une heure. Est-il chaussé de bottes de 7 lieues ? Jack Talon ressort. Vous vous souvenez de cette créature de légende ? On disait que ses prunelles étaient rouges comme des boules de feu. Oui, mais l'éventreur, lui, passe inaperçu. Même pas tant que ça. Un témoin a repéré un homme portant une casquette à visière. Il essayait d'attirer Elizabeth Stride dans la cour. Une casquette de marin ? Peut-être. En tout cas, il n'a pas eu le temps d'éventrer sa victime. Trop de passages dans la rue. Alors, il s'est rattrapé à Mitre Square moins d'une heure plus tard. Et cette fois, il a éventré Catherine Eddowes. et il lui a enlevé l'utérus et le rein gauche. Vous n'avez plus faim, ce petit ? Quand s'arrêtera-t-il ? Eh ben, quand il obtiendra ce qu'il cherche. Un festin de sang, de nature à sidérer les esprits. Bah, il n'en est pas loin. Vous avez vu ? La police a placardé sa lettre sur tous les murs. Qu'elle réclame pour un maniaque de son espèce. Cher patron, il voudrait la démission du chef de Scotland Yard qui ne s'y prendrait pas autrement. Charles Moran, c'est vrai qu'il nous a un peu gâché la fête. Gâché la fête ? C'est un euphémisme. Comme tous les Anglais, Spotty n'a pas oublié les événements de l'an dernier. On fêtait alors en grande pompe le jubilé de la reine Victoria montée sur le trône en 1837. 50 ans après, les crimes de Whitechapel semblent coïncider avec la fin d'un règne. L'Angleterre industrielle est en crise. Le droit de vote vient d'être étendu, mais les classes laborieuses sont fébriles. Le 13 novembre 1887, lors d'une manifestation ouvrière à Trafalgar Square, 2000 policiers ont chargé la foule, faisant des centaines de blessés et un mort. Le responsable de ce Bloody Sunday, un dimanche sanglant de sinistre mémoire, n'est autre que Sir Charles Warren, chef de la police métropolitaine. C'est lui qui est en place lorsque Jack l'Éventreur entame sa macabre série. Vous savez ce qu'on raconte ? Warren aurait tenté de mettre deux chiens de chasse sur la piste de l'Éventreur. Des chiens de chasse ? Barnaby et Burgo. Vous plaisantez, Basile ? Je vous assure. Il les a emmenés à Hyde Park. Burgo et Barnaby ? Avec l'aide de deux agents. Et il a essayé de les mettre sur sa piste. Et alors ? Pendant que Sir Warren se faufilait dans un bosquet, ses fins limiers se sont perdus dans le brouillard. Mais qui vous a raconté ça ? Melville McNaughton. Vous l'avez aperçu l'autre soir au Garrick Club. Hey, je me souviens du bonhomme. Pourquoi est-il rentré du Bengale ? Il briguait un poste de commissaire adjoint à Scotland Yard. McNaughton ? Oui. Mais Sir Warren l'a envoyé promener, alors depuis, McNaughton l'a pris en haine. Lui et ses inspecteurs. Eux qui se croient si malins et prétendent être sur la bonne piste. À quoi pensez-vous, Spotty ? Vous pourriez me le faire rencontrer ? McNaughton ? Facile. Il habite Warwick Square. Surprise ! Lisa, tu n'étais pas obligée. Vraiment ? Oh si. Ça fait une semaine que je suis là et faut bien que je trompe mon ennui. Tout est propre comme un sou neuf. Et tu as même recousu Monsieur Finch. Le perroquet empaillé du vieil Horace. J'ignorais que tu l'appelais Monsieur Finch. Je voulais voir s'il avait toujours ses entrailles. Tu m'en veux, Spotty ? À l'instant où Spotty repose le perroquet, un voile de tristesse passe sur les yeux de Lisa. On finira par dénicher le tueur, Lisa. Et tu pourras retourner à Whitechapel. Retrouver tes amis. Mes clients. Chercher autre chose pour gagner ta vie. Autre chose que vendre mon corps. Modèle, peut-être. Je connais au moins un peintre que ça intéresse de me voir toute nue. Un peintre ? À Whitechapel. Oh, il me demande pas grand-chose, hein. Juste de m'allonger sur le lit en fer et de fixer le vide. Comme si j'étais morte. Il s'appelle comment, ce peintre ? Il m'a jamais dit son nom. Mais je l'ai vu sur un coin d'enveloppe. Sick. C'est drôle, non ? Sick comme Walter Sickert. Ou comme malade. Finch se souvient du dandy qu'il a aperçu au Garrick Club 8 jours auparavant. En 1888, Sickert a 28 ans. C'est un artiste prometteur qui ambitionne de changer le regard de ses contemporains. La beauté rugueuse des bas-fonds attire le jeune Walter, qui admire le peintre français Edgar Degas pour sa façon réaliste, volontiers crue, de montrer les coulisses du ballet ou la classe laborieuse dans ses moments d'abandon. Degas a peint un tableau intitulé « L'intérieur ». Cet instantané d'une chambre modeste où l'épaule d'une femme luit sous le regard d'un homme qui a posé son haut de forme à l'envers a très vite été rebaptisé « Le viol » par le public. Cette toile a fortement impressionné le jeune Sickert. À tel point qu'il décide de louer une chambre sordide dans l'East End pour en faire un atelier clandestin. Pour Sickert, on ne peint bien la misère que quand on l'approche de très près. C'est cet atelier que vient épier Finch au 8 Rutland Street, l'adresse que lui a fournie Lisa. Cherchez quelque chose? Une amie. Elle habitait ici dans le temps. Entrez, entrez donc. Ce n'est pas elle par hasard? D'un hochement de tête, Sickert désigne un mannequin en bois, jambes écartées, étendu sur un lit de fer au matelas crevé. Finch a un mouvement de recul. Votre visage m'est familier, monsieur? White. Jim White. Je suis Walter Sickert. Et ceci est mon sang. Ou ma sueur, comme vous voudrez. Promenant son regard sur l'étoile de Sickert, Finch a le plus grand mal à dissimuler son malaise. Qui achète de pareils tableaux? On dirait qu'ils sont peints avec de la vase, de la boue ou de l'huile de vidange. Je sais où je vous ai vu, monsieur Green. Green? Ou dois-je vous appeler Star, comme la feuille de chou dans laquelle vous scribouillez? Il s'est renseigné sur moi au Garrick Club. Ces maudits majordomes ne savent pas tenir leur langue. Désolé de vous décevoir, monsieur Blue. Je ne suis pas Jack l'éventreur. J'aimerais savoir qui il est. Peut-être l'ai-je croisé la nuit dans le quartier. Je ne pense pas qu'il soit un artiste. Mais il est certainement un voyeur, comme vous et moi, monsieur Black. Je dois partir. Désolé pour le dérangement. D'ici quelques années, nous serons tous des voyeurs. Imaginez un monde où il n'y aura plus d'hommes, mais seulement des machines, des lentilles en verre et des plaques photosensibles, des objectifs précis, redoutables, inhumains. Au revoir, monsieur White. On a main à couper que ce type est l'éventreur. Je ne peux plus d'être terrée ici. C'est pas à moi de me cacher. C'est pas moi que la police recherche. Tu veux retourner à Whitechapel? L'éventreur ne... Il s'en prend qu'à des vieilles, des pochetronnes, des débris. Lisa... Faut que je gagne ma vie de toute façon. Excuse-moi, Spotty. Où tu vas dormir? Chez Mary Jane, une chambre à Miller's Court. C'est dangereux, n'y va pas. Je te demande pas ton avis. N'y va pas, Lisa. J'en peux plus! J'en peux plus! C'est pas ici ta prison. C'est l'East End. Tu veux retourner dans ta prison? Loin du ghetto. Aussi loin que possible. Au pôle Nord, ouais. Aussi loin que possible? Vous voulez dire... N'auriez-vous pas, parmi vos relations d'affaires, une famille en partance pour les colonies? Quel genre de famille? Qui aurait besoin d'une domestique ou d'une nourrice, sans être trop regardante sur le passé de la personne. Oh, vous songez à votre amie? Lisa McGee. Quelle famille n'est pas regardante de nos jours? Je veux dire, des gens qui admettent qu'on puisse avoir un passé. Des gens compréhensifs, quoi. J'ai peut-être une idée. Vous êtes libre ce soir? Je croyais que nous avions rendez-vous chez McNaughton. Mmh. Pour un verre de sherry à 19h. Mais je parlais de ce soir minuit. Quelque chose à vous montrer du côté des docks. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous n'en avez pas assez de l'East End? Et des atrocités commises par vous et... Oh si, si Spot, ici. Mais mon point de vue a changé. Avant, je ne savais rien de l'East End, de ceux qui y vivent. Et puis, j'ai vu ce que nous avons vu. Ces hordes de crève-la-faim, ces enfants qui avalent plus de suie que de pain. Et qu'on ne voit jamais sourire. Ces hommes de 30 ans qui ressemblent à des spectres. Et ces femmes qui finissent sous le couteau de l'éventreur. Quand ce monstre sera sous les verrous, Et j'ai bon espoir qu'il le soit bientôt. Oui, quand la traque aura pris fin, nous devrons entamer des réformes pour que la misère, et pas seulement le crime, soit éradiquée. Cet assassin est le symptôme de quelque chose de plus monstrueux que lui. C'est à cela que nous devons donner un coup d'arrêt. J'aurais donné mon salaire pour vous entendre dire ça. Alors payez l'addition, Spotty. Quelle idée, j'ai eu de vous accompagner. Voilà une heure qu'on part autant sur ce dock. J'avoue que nous étions plus au chaud dans le salon de McMaten. Votre gnoule est infecte. J'aurais mieux fait de rentrer au journal. Vous me remercierez plus tard. Quand nous aurons mis le grappin sur Jack. Il est minuit passé ce vendredi 9 novembre lorsque Finch et Basil, déguisés en docker, béret noir et pantalon fripé, poursuivent leur guet devant un navire de la Norddeutsche Lloyd, une compagnie maritime allemande. L'immense cargo, dont les cheminées dressent leurs fûts démesurés sur fond de brume et de bruine, a peu à voir avec le nom angélique peint sur sa coque, le Sylph. C'est ce navire, arrivé 3 mois plus tôt en Angleterre, qui a attiré l'attention de Basil. En consultant les registres du port, l'enquêteur de l'Atlantic Mutual a découvert que la nuit de chacun des crimes, le cargo se trouvait amarré au port de Londres, tout près du quartier de Whitechapel. Vendredi 31 août, samedi 8 septembre, dimanche 30 septembre. L'éventreur a systématiquement frappé aux jours et aux heures où les marins du Sylph étaient en permission. Je commence à trouver que nous ressemblons étrangement à Burgo et Barnaby. Qui donc ? L'éclipse de Charles Warren. On va parler pour vous, Spotty. Ah, si j'étais pas là, nous serions encore en train d'écouter McNaten pérorer sur l'éventreur qui est... Oui, croyez-moi, très certainement un inverti. C'est vous qui le flagornez ? À lui donner du « vous auriez fait des merveilles à Scotland Yard » et je sais quelle flatterie de la même eau. Je le faisais parler, c'est pas ce que vous vouliez ? Tout ce que je sais, c'est que je n'aurais pas dû écouter votre inspiration du moment et vous suivre dans ce coup de gorge. Je vous ai bien écouté, moi, me faire l'article sur Seeker. Tout ça parce qu'un témoin a parlé d'une casquette de marin. On aurait mieux fait de se concentrer sur McNaten ou sur Seeker, qui m'a semblé un psychopathe très convaincant. Spotty, savoir manier le pinceau n'induit pas qu'on sache manier le couteau. Seeker est un esthète de la morbidité et de la crasse, certes, mais un esthète. Ces gens-là n'aiment pas se salir les mains. Quant à McNaten... Vous avez vu ses trophées de chasse ? Chasse sauvage, tigre, chacal, en voilà un qui sait manier le couteau. Et il éventrerait des prostituées pour se venger du patron de Scotland Yard, c'est exactement. Ça ? Il souligne l'incompétence de Warren et le force à démissionner. Grotesque. D'ailleurs, je suis sûr que McNaten n'a jamais mis les pieds dans l'East End. Ben voyons. Et pour étayer votre théorie du marin, vous avez quel atout dans votre manche ? L'incendie du 31 août. Le brasier de Shadwell. Le 31 août ? Vous voulez dire le soir du meurtre de Pauline Nichols ? Un gigantesque incendie a ravagé 3 entrepôts de l'East India Company. Juste là. Derrière. Je sais, puisque c'est nous à l'Atlantic Mutual qui les assurons. Supposer que l'éventreur ait mis le feu au dock avant de s'en prendre à sa première victime, hypothèse plausible s'il a voulu faire diversion, eh bien la faune du port devient ipso facto notre suspect numéro 1. L'éventreur peut être pyromane. Ça n'en fait pas un marin. Sauf s'il se fait appeler Jack. Jack ? Un mot d'argot de la rue pour désigner un marin. Vous, le gamin de Poplar, vous oubliez l'argot de l'East End ? Sont les brumes du port de Londres. Un flâneur comme Basil Huntley devrait le savoir. Mais ni Basil ni Finch n'ont gardé les yeux rivés tout le long de la nuit sur l'embarcadère du Sylph. Un marin a pu aisément passer entre les mailles, longer les hangars calcinés de l'East India Dock et s'engouffrer, les sens exacerbés, dans les ruelles étroites de Whitechapel. Il a très bien pu déboucher sur Dorset Street et s'introduire sous le porche en briques rouges de Miller's Court. Passer sa main par le carreau cassé de la chambre numéro 13 et ouvrir le loquet de porte qui abrite le sommeil de Mary Jane Kelly. Ex-planteur de thé, Jack des taudis ou Gentleman Jack, l'assassin a pu commettre ses crimes et rester insaisissable, malgré la sagacité de nos héros et la vigilance d'une armée de policiers et de vigiles. Le lendemain du meurtre de Mary Jane Kelly, la cinquième victime, le terrifiant cliché pris sur la scène du crime révèle que l'éventreur ne laissa rien d'elle. On apprend la démission de Sir Charles Warren, le patron de Scotland Yard. De sa longue nuit passée dans le froid des docks, entre un ballot de coton et un sac rempli de tabac, Finch, malgré tout, n'est pas revenu les mains vides. Qu'est-ce que c'est ? L'adresse d'une famille à Kensington High Street. Les Seabright. Des relations de Basil, mon ancien employeur. Ils sont en partance pour l'Afrique australe. Lui est ingénieur pour la compagnie britannique d'Afrique du Sud. Ils ont deux petites filles. Et leur nourrice actuelle ne veut pas quitter l'Angleterre. Les girafes, elles préfèrent les voir aux eaux de Londres. Pourquoi tu pleures ? Depuis que j'ai 13 ans, personne ne m'avait rendu service. Sans essayer d'obtenir quelque chose en retour. Le meurtre de Mary Jane Kelly, la nuit du 9 novembre 1888, est le dernier attribué à Jack l'Éventreur. Depuis, la liste des suspects n'a fait que croître. Mais Jack court toujours. Il court dans les écrits d'une foule de détectives amateurs qui, au fil des décennies, ont cherché à démasquer le tueur en série le plus célèbre de l'histoire. Entre ces Sherlock Holmes de la dernière heure, un point commun. Tous ont prétendu avoir résolu l'énigme. Tous ont désigné un coupable définitif. Et tous, comme Finch et Basil, ont fait fausse route dans les méandres de Whitechapel. Mais si l'identité de Jack reste inconnue, ses crimes auront au moins donné des visages à une misère que la société victorienne refusait de voir. Des visages et des noms qui résonnent encore plus d'un siècle après leur disparition. Marianne Nichols. Elizabeth Stride. Catherine Eddowes. Annie Chapman. Mary Jane Kelly. Victoria Falls. Victoria Falls. 10 janvier 1889. Spotty, mon cher Spotty. Depuis un mois que je suis arrivée dans ce pays si différent du nôtre, pas un jour ne s'est écoulé sans que j'aie une pensée pour toi. Les Seabright me traitent comme une des leurs, enfin, presque. Et jamais ils ne me questionnent sur mon passé. Dorothy, la mère, ne hausse jamais le ton. Elle finit toujours ses phrases par « Veux-tu bien ? » « Veux-tu bien, Lisa ? Veux-tu bien ?» Parfois, je me surprends à me tenir comme elle, bien droite, le menton relevé, mais sans arrogance. L'autre jour, Emma, la plus grande de ses filles, m'a demandé, en voyant approcher une gazelle, « Est-ce qu'elle est dangereuse ? Est-ce qu'elle peut mordre ?» Je lui ai répondu, « Elle ne te mordra pas puisqu'elle est libre. » Nous sommes restés sans bouger. Puis nous avons tendu la main et patienté. Patienté jusqu'à ce que la gazelle ait assez confiance pour venir plus près. Et pendant tout ce temps, j'ai pensé aux barreaux de l'East End. Les barreaux invisibles que je n'osais franchir parce que personne ne m'avait encouragé à le faire. Personne, avant toi. Jack l'Éventreur, la contre-enquête de Stéphane Michaka, épisode 2, avec James Finch, Hector Manuel, Basil Huntley, Pascal Rénéric, Lisa McGee, Camille Pellissier, Dr Vogelzang, Pierre-Marie Schneider, le crieur de journaux Ovnata Navidikian, Walter Sickert, Pierre-François Garel, Mary Jane Kelly, Fort Babled, Annie Chapman, Madeleine Meynier et les voix de Claudie Decultis, Agnès Mire et Emmanuel Vion. Bruitage, Sophie Byzantz. Prise de son, montage et mixage, Benjamin Vignal et Antoine Vieussa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Cédric Ossir. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur Jack l'Éventreur avec mon invité, Michel Moati. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. We're all born in the womb of death. Hanging on to our final breath. You can ride. It'll hurt like hell. I am the residue swelling up inside of you. You can try and shoot me down, babe. I'm already dead. Weddy Dead par Otseki, un duo londonien choisi par Thierry Dupin. Vous écoutez France Inter, autant n'emporte l'histoire, à la réalisation Hélène Bizio, assistée d'Emmanuel Fournier, à la technique Kevin Pelot. Merci à France Bleu Héros. Michel Moatti, c'est donc avec les cinq noms des victimes de Jacques l'Éventreur que s'est terminée cette histoire, une manière de rendre hommage à celles qui sont généralement un peu éclipsées par le héros de cette affaire, Jacques l'Éventreur. On a un peu tendance à les oublier, ces femmes. Oui, enfin complètement. Moi, c'est même quelque chose que j'ai noté dans les notes d'auteur après Retour à Whitechapel. C'était aussi une manière pour moi de faire revivre un peu ces silhouettes qui étaient ces femmes, de leur donner un peu plus de vie, autre chose que des noms sur une liste ou les photos malheureusement qu'on a. Vous avez cité celle de Mary Jane Kelly, ces photos de scènes de crime terribles, épouvantables, mais les autres, ce sont des photos de la morgue. On n'a pas les visages de ces femmes autres que mortes. Donc oui, il y a une vraie raison de les faire revivre, de leur donner un petit peu d'humanité. Comment se fait-il que la police n'ait jamais identifié le coupable? Est-ce que ce sont les méthodes d'investigation de l'époque, encore trop archaïques? Évidemment, à l'époque, il n'y a pas de police dite scientifique. Ça n'arrivera qu'au tout début du XXe siècle. Comment expliquer? Alors moi j'ai une intuition sur la manière dont l'enquête a été conduite. Alors on a dit beaucoup de sottises, on a dit que la police était incompétente, qu'elle n'était pas capable de retrouver, même si Jacques l'Éventreur avait été dans une pièce fermée, il l'aurait raté. Tout ça est faux, il y a eu un gros travail de la Metropolitan Police, de la City of London Police aussi, puisque vous l'avez dit, Catherine Eddowes a été tuée dans la City, donc il y a eu deux services de police qui ont travaillé sur le dossier de Jacques l'Éventreur. Ils ont fait un travail vraiment de quadrillage du quartier de Whitechapel, des quartiers adjacents, etc., avec des détectives, des enquêteurs qui étaient souvent des policiers de grand talent. On cite souvent Frédéric Eberlein, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu le surintendant Arnold, il y a eu le sergent Godley, il y a eu Walter Dew, qui a fait aussi une carrière impressionnante à Scotland Yard. Il y a des très bons policiers. Je pense que la raison pour laquelle ils n'ont pas été au bout, c'est-à-dire arrêter Jacques l'Éventreur, c'est qu'ils cherchaient ni au bon endroit, ni la bonne personne. Je pense qu'il y avait des préjugés de classe qui ont fait s'égarer beaucoup d'enquêteurs sur des pistes qui n'étaient pas les bonnes en particulier. Beaucoup étaient des juifs, d'origine d'Europe de l'Est, polonais, russes, etc. Pour la bonne raison, c'est que beaucoup de gens ne voulaient pas voir dans les crimes affreux, épouvantables de Jacques l'Éventreur, la main d'un Anglais. Donc ça, c'est une vraie raison qui ont sans doute entraîné les policiers sur des fausses pistes dès le départ. Ouais, ça, c'est pas être très bon policier quand même d'avoir des préjugés comme ça. Alors, c'est pas les enquêteurs de terrain. Je pense que les responsables, vous avez parlé de Warren, mais il y en a eu d'autres, Anderson, Swanson, etc., les chefs de la police, voulaient, inconsciemment, sans doute, que ça soit ce type de profil. Ça veut pas dire que le travail de terrain n'a pas été fait méticuleusement. Il a été fait de manière soigneuse, rigoureuse et suivie, parce que l'enquête a duré longtemps. On a évoqué un certain nombre de choses. Alors, l'histoire, on a beaucoup ironisé sur Barnaby et Burgo, les deux chiens, les Bloodhounds, les chiens de sang. Les chiens de Warren. Les chiens de... C'était pas les chiens de Warren, c'est Warren qui les a supervisés, mais c'est des chiens qui étaient entraînés pour retrouver des traces. Alors l'histoire d'Hyde Park a fait couler beaucoup d'encre, on s'est beaucoup moqué de Warren, etc. Mais Barnaby et Burgo étaient vraiment capables, d'ailleurs, ils l'ont prouvé, ils ont été entraînés avec succès avant l'épisode de Hyde Park à retrouver des pistes. Ils ont trouvé des pistes très compliquées. On les a pas utilisées sur le terrain, ça s'est pas fait. Ça aurait peut-être donné des résultats. Il y a eu des choses assez innovantes pour l'époque dont qu'on connaît pas. Par exemple, l'idée de déguiser des officiers de police en femmes pour essayer de prendre l'assassin sur le fait. L'idée fut abandonnée. Peut-être que ça aurait pu aussi donner des choses. Donc, il n'y avait pas de police scientifique, mais il y avait des idées. Mmh. En effet, il n'y a pas d'empreinte digitale, évidemment pas d'ADN, pas de photos de scènes de crime. Et la première chose que fait la police en arrivant dans la chambre de Mary Jane Kelly, c'est quand même ahurissant, c'est de, donc la chambre où elle vient d'être sauvagement assassinée, c'est de nettoyer les lieux. C'est quand même, aujourd'hui, ça semble ahurissant. Ils ont beaucoup piétiné. Alors, par contre, il y a une photo de scène de crime dans la chambre de Mary Jane Kelly, des cinq victimes officielles de Jacques l'Éventreur. C'est la seule qui donnera lieu à une séance de photos de la scène de crime sous différents angles, etc. Des choses qu'on renierait pas aujourd'hui avec les moyens de l'époque, mais caméra qui est déplacée dans la chambre, etc. C'est vrai qu'on prend pas les empreintes. Tout le monde se jette dans la chambre, piétine dans le sang, etc. C'est vrai qu'on n'est pas du tout dans cette logique de rechercher des éléments de preuve parce qu'on n'en a pas les moyens techniques ni scientifiques. Il y a eu plusieurs thèses qui ont été élaborées depuis 1888 pour identifier ce meurtrier, des thèses plus ou moins sérieuses. Quelles sont les pistes pour vous les plus sérieuses, Michel Moatti? Alors, il y en a plusieurs, mais moi ce que j'aimerais déjà, c'est qu'on sépare les théories qui sont des théories de l'époque, hein, c'est-à-dire des gens qui ont été effectivement entendus par les services de police, qui ont été entendus par la police, qui ont même parfois été arrêtés, hein, enfin, on dirait aujourd'hui placés en garde à vue, et puis les théories que j'appelle tardives, hein, qui sont des théories du XXe siècle, qui sont un peu une manière de réécrire l'histoire, ou de la revoir de manière un peu fantaisiste ou idéalisée, qui sont pas les mêmes types de suspects. Le suspect de l'époque, on a le premier qui sort, c'est le fameux Aaron Kosminski, hein, qui est un juif fou, qui a été désigné par Anderson et Swanson, hein, les deux des chefs de la police de l'époque. C'est un des suspects de la toute première heure. Mon avis, il n'est pas si bien que ça comme suspect, parce qu'il présente vraiment beaucoup d'anomalies par rapport aux témoignages. Il ne correspond pas du tout aux témoignages, on en a plusieurs, hein, qui ne sont pas tous convergents, mais aucun ne correspond à l'aspect physique de Kosminski. Son âge ne correspond pas du tout, il avait 23 ans à l'époque, alors que tous les témoignages parlent d'un homme de 30 à 35 ans. Et Walter Sickert, le peintre ? Alors ça, c'est une théorie très contemporaine. Elle est apparue dans les années 70. Je crois que c'est Stephen Knight qui a... Patricia Cornwell, non ? Et alors, Patricia Cornwell plus récemment, mais Stephen Knight déjà dans les années 70, un auteur anglais, hein, qui le désigne. Puis Patricia Cornwell dans son ouvrage remarquable, hein, qui est extrêmement bien documenté, sur, qui s'appelle Affaires classées, je crois, Jack l'Éventreur, Affaires classées. Bon, Sickert n'est pas très loin, à mon avis, du cœur de l'affaire de Jack l'Éventreur. Je ne pense pas que c'était Jack l'Éventreur, parce qu'il y a des impossibilités très fortes. Par exemple, il était en France au moment de l'assassinat de Pauline Nicols. Donc si on se met d'accord sur l'idée que les cinq crimes canoniques sont de la même main, comme le disait Thomas Bond, le chirurgien de la police, il faut que ça soit le même. Donc Sickert ne pouvait pas être à la fois l'assassin des quatre suivantes et pas être l'assassin de Pauline Nicols. Et Melville McNaughton, alors le chef du département d'enquête criminelle de Scotland Yard, qui est évoqué dans la fiction. Oui, moi c'est une théorie aussi très contemporaine, hein, qui a surgi récemment. Bon, moi je la partage pas. Je vois pas maintenant. Je vois pas le chef de la police faire ce qui s'est effectivement passé. Je le vois pas disparaître, apparaître déjà dans Whitechapel, même sous des déguisements de fantaisie, etc. Enfin, ça me paraît un petit peu pantalonnade, hein, comme proposition. Autre théorie, celle de William Gull, le chirurgien de la reine Victoria lui-même. Oui, alors c'est la théorie qu'on a beaucoup vue, hein, dans les fictions. Hein. Bon, le problème de William Gull, c'est qu'il avait 70, 72 ans, je ne sais plus. Donc ça ne peut pas être lui, le Jack l'Éventreur, qu'il était accompagné de toute une bande d'assassins avec les complots maçonniques, de tout ce qu'on veut. Bon, je veux bien, mais ça me paraît très compliqué. Je pense que l'histoire, elle est plus simple que ça. C'est souvent dans la proximité qu'on trouve la résolution à des énigmes, sans aller chercher les francs-maçons, le chirurgien de la reine, etc. Quoi. Oui, on est dans le complot un petit peu. Oui, vous avez votre propre théorie que je ne vais pas dévoiler ici, puisqu'elle est au cœur de votre roman Retour à Whitechapel. Comment expliquer la postérité quand même du mythe de Jack l'Éventreur ? C'est un peu étonnant, par exemple, récemment, là en 2015, on avait voulu créer un musée des suffragettes, et puis finalement ce musée est devenu un musée de Jack l'Éventreur, c'est un triste symbole. Alors, pas tant que ça, puisqu'on s'aperçoit aussi qu'il y a une vraie concordance de temps entre, pas les suffragettes, mais en tout cas les mouvements ouvriers féminins, hein, puisque l'été 88, c'est aussi la grande grève des ouvrières dans l'East End. Hein. Même le jour où Jack l'Éventreur tue Pauline Nicols, on est encore dans les manifestations contre les patrons, contre l'utilisation du phosphore, etc., dans les usines. Mais pourquoi Jack l'Éventreur a cette survivance historique? Je pense que la réponse tient en une phrase, parce que c'est une énigme, parce qu'on ne l'a pas arrêté. On l'aurait arrêté en 1888, ça aurait été un criminel sans doute célèbre, mais pas avec cette espèce d'aura, hein, presque mythique. C'est devenu un mythe, Jack l'Éventreur, c'est l'archétype même du tueur en série, parce qu'il reste caché derrière un immense point d'interrogation. Et puis la deuxième raison, c'est parce que la presse en a fait des tonnes. Merci beaucoup Michel Moati. Je conseille la lecture de votre livre « Retour à Whitechapel », qui tient à la fois du roman donc et de l'enquête policière. Il est disponible en collection de poche 10-18, Grand Détective, et aussi de vous, qui vient juste de sortir, Les Retournants, aux éditions donc HC Éditions. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons dans les tranchées de la Première Guerre mondiale en compagnie de deux soldats amérindiens engagés dans les troupes américaines. Des Indiens Chactas qui n'avaient sans doute même pas la citoyenneté américaine mais qui furent employés dans les services radio pour transmettre dans leur langue indienne des messages codés, les Call Talkers. 1917, l'arme secrète des Indiens Chactas, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais ce soir, juste après le flash, ne manquez pas Soro Solo dans l'Afrique en solo. Très bonne soirée sur France Inter.